L'actualité à Nancy et ailleurs. Rani Abdouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UFAL, Union franco-algérienne de Lorraine, et vous organisez une conférence, ce sera ce dimanche à Vendeuvre, au Charmois, sur le retentissement de la pandémie du coronavirus sur les personnes autistes et leurs familles, avec des intervenants, on va les citer dans quelques instants. C'est pas la première fois que vous organisez une conférence autour de cette thématique de l'autisme. C'est exact, bien que les thèmes sont souvent variés, mais nous focalisons depuis 2 ans sur la problématique de l'autisme. Un mot peut-être avant de venir justement sur cette conférence et cette thématique, l'UFAL, donc Union franco-algérienne de Lorraine, dont vous êtes le président, on peut en dire quelques mots? C'est une association qui est active depuis 2008, 11 décembre 2008, c'est une association généraliste. Son champ d'intervention, comme son nom l'indique, c'est toute la Lorraine, anciennement c'était encore la Lorraine, c'était pas le Grand Est. Nous adressons à de très nombreux publics en fonction des thèmes choisis, donc comme c'est un bureau qui est assez dynamique et qui a des idées plutôt pertinentes, donc on en retient une ou deux et on développe. Voilà. Comme cette thématique de cette conférence dimanche prochain, autour de l'autisme, pourquoi cette thématique particulièrement? Alors tout d'abord, il faut dire que conformément à la volonté de Monsieur le Président de la République, c'est ce dernier trimestre-là est consacré aux personnes en situation de handicap. Ça tombe bien puisque le confinement en particulier a été très très dur pour les personnes avec autisme et leurs familles. Si d'ordinaire les personnes dites valides ont éprouvé de nombreuses difficultés à être confinées, vous imaginez donc les personnes avec autisme ou les familles qui ont en leur sein un ou deux enfants frappés d'autisme, c'est pas du tout facile à vivre et c'est pour attirer l'attention justement des autorités publiques, des autorités en général, sur ce problème épineux, pour aider les familles, les soulager, parce que c'est vraiment un problème de taille. L'autisme, ça touche beaucoup de monde en France, et avec des degrés différents, il y a beaucoup de formes d'autisme différentes, et c'est ce qu'on aussi peut-être qui va être abordé lors de cette conférence. Alors il y a deux intervenants, Joseph Chovanec et Laurent Morel-Jean, psychologues et directeurs de deux établissements spécialisés à Saint-Dié, c'est ça? Absolument. Absolument. Pour rebondir sur votre réflexion qui est très pertinente, l'autisme touche une personne sur 100 en France. Ça fait quelque chose comme 600 à 700 000 personnes avec autisme. C'est exponentiel en réalité. Donc, mais disons que ça touche même un peu partout dans le monde l'émergence de ce handicap mental qui est ahurissant. Pour en parler, qui mieux que Joseph Chovanec, que beaucoup de gens connaissent puisque il est demandé un peu partout. Joseph Chovanec est un autiste Asperger, docteur en philo. Il s'intéresse aux religions des pays du Moyen-Orient, il est polyglotte, il parle 5 langues, il est auteur de nombreux bouquins, il est chroniqueur sur les ondes d'Europe 1, les carnets du monde, il est extraordinaire. Et lui, qui mieux que lui pourrait parler de l'autisme vu de l'intérieur tel qu'il le ressent? Donc c'est une personnalité de choix qui va en parler. Et puis Laurent Morel-Jean, qui était aussi un ami, qui est directeur des deux établissements spécialisés des Audaciens, donc à Saint-Dié, Mosaïque et Maison du 21e siècle, qui accueillent en leur sein des personnes justement avec autisme ou polyhandicap, etc. Donc deux spécialistes de la question qui vont aborder l'autisme dans tous ses aspects, notamment celui de la difficulté à vivre plus que d'autres la situation présente de la pandémie, parce qu'il s'agit de ça, c'est le retentissement de la pandémie sur les personnes avec autisme et leurs familles. Donc cette conférence, c'est ce dimanche 9 janvier à 14h30 au domaine du Charmois à Vendeuvre-les-Nancy, et l'entrée est gratuite, mais bien sûr sur inscription, c'est ça? Absolument, l'inscription est importante parce qu'il s'agit aussi de respecter les mesures sanitaires en vigueur, et donc à partir de l'inscription qui se fait sur un numéro de téléphone, nous exigeons donc que le public soit vacciné, c'est tout à fait normal, ce sont les mesures en vigueur. Et puis ça se passe en fait à la salle dîner, il y a eu un changement puisque cette salle s'est libérée, elle est plus grande, elle est plus appropriée pour l'application de ces mesures même, et c'est effectivement la ferme du Charmois, au 2 avenue du Charmois, 14h30. À 14h30, donc on n'hésite pas à vous contacter. Donc on peut donner votre numéro de téléphone? Oui, absolument. Donc le 06 20 63 73 19, 06 20 63 73 19, donc pour s'inscrire et assister à cette conférence ce dimanche 9 janvier à 14h30. Un dernier mot peut-être en ces débuts d'année aussi pour vous, Rani Abdouche? comme tout un chacun, je souhaite que cette année soit porteuse d'espoir. Les scientifiques prédisent la fin de la pandémie en fonction de la virulence moindre de l'Omicron qui est par rapport au Delta. Donc peut-être la fin de la pandémie, ça nous soulagerait tous et reprendra à peu près une vie normale. C'est tout ce que je souhaite, disons, au monde entier. Merci beaucoup Rani Amdouche, président de l'UFA, l'Union franco-algérienne de Lorraine. Merci encore. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne année à tous. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.